我去先摄影。 Tortoni et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Boum boum boum, darli darli darli darli. Bonjour à tout le monde, bonsoir, vous écoutez Tortoli et Arbatax, vous écoutez le 105.4, vous écoutez Radio Panique, Tortoli moi-même, seul puisqu'Arbatax n'est pas là cette semaine, il est parti faire une partie d'échecs, concours d'échecs, il est pion, voilà, cher ami Arbatax, une petite pensée pour toi, mais j'ai deux remplaçants de luxe, deux remplaçants ouais. Flamands qui oh. parlent. Oh là là, l'invasion de Flamands là. L'invasion. Seb à ma gauche et Bram Salut. À ma droite. Bonjour. C'est une émission spéciale Night Shop Party. Night Shop Party, un événement qui aura lieu ce vendredi au Recyclard. On aura le temps d'en reparler, c'est le 16 mars. Et voilà, vous êtes là pour ça les gars, vous êtes là pour faire une petite promo de cette grosse soirée. Mais c'est aussi une émission sous le signe de l'Israël. Waouh. L'Israël, puisque ça n'est pas anodin. L'Israël, puisque deux artistes phares de la scène israélienne seront... Trois même, oh là là, jamais 203, bien vu Bram. C'est juste pour voir si tu étais réveillé. Apparemment oui, ce qui est bon. Voilà, donc trois artistes seront présents ce vendredi à la soirée Night Shop. Donc une émission spéciale Night Shop Party au Recyclard et une émission spéciale Israël. Tel Aviv plutôt. Hein. Tel Aviv. Tel Aviv égale Israël. Israël égale Tortoli Arbatax. Et qui dit Tortoli Arbatax dit générique un petit peu pourri. Savez-vous ça, messieurs? Non. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Toujours est-il que le générique de la semaine s'appelle Le jour de ma bar mitzvah. On en reparle juste après, les gars. À mon avis, ça va vous plaire. Si. Shalom. Israël, voilà, tu es présent. À la Sina, tu nous as tous éclatés. Et maintenant, tu peux bien quitter cette soirée. On est tous là pour toi, Yael, pour ta bar mitzvah, Mazel Tov. Ce soir, vous êtes là pour moi ce soir, pour ma bar mitzvah ce soir. Tous mes amis et ma famille réunis, et ça se passe ce soir. On lève bien les bras, on danse tous pour toi, on chante ce refrain, on t'attend. Ça se passe ce soir. C'est toi le DJ, ouais tu vas mixer, on va tout danser. On vit ça qu'une fois et c'est ce soir. Sina s'est bien passé, normal j'avais bien bossé. Et maintenant va falloir assumer mes nouvelles responsabilités. Je vais quand même continuer de kiffer ma vie sur Call of Duty et chez Nina Sushi. Karen et Ethan, je vous aime fort, même si parfois je vous ai causé du tort. Je suis peut-être dans ma bulle, je sais, pas encore adulte, c'est vrai. Mais je sais bien où je vais et j'oublie pas d'où je viens. Excuse-moi, avec Ethan et Karen on se demandait pourquoi. Pourquoi tu voudrais pas t'habiller tous les jours comme ça? Ça fait vraiment homme d'affaires, ouais tu nous plais, tu vois. Et puis les filles n'en parlons pas. Ce soir, vous êtes là pour moi ce soir, pour ma bar mitzvah ce soir. Tous mes amis et ma famille réunis, et ça se passe ce soir. Ce soir, c'est toi le DJ, ouais, tu vas mixer, on va tout danser. On vit ça qu'une fois et c'est ce soir. Vous êtes là pour moi ce soir. Pour ma part, mise va ce soir. J'ai 13 ans déjà ce soir. Alors fais du bruit ce soir. Moi je suis un artiste et si je me mets à mixer, tous les gens se mettent à kiffer. J'aime pas tellement les fringues et la mode. Je suis comme ça, moi j'ai mes propres codes. Je vais quand même continuer de kiffer Saint-Tropez et d'aller skier hiver comme été. Maman, papa, je vous aime fort. Merci encore pour tous vos efforts. Je suis peut-être dans ma bulle, je sais. Pas encore adulte, c'est vrai. Mais je sais bien où je vais et j'oublierai jamais. Bref, merci. Excuse-moi, avec Ethan et Karen, on se demandait pourquoi. Pourquoi tu voudrais pas t'habiller tous les jours comme ça? Ça fait vraiment homme d'affaires, ouais, tu nous plais, tu vois. Et puis les filles, n'en parlons pas. Ce soir, vous êtes là pour moi ce soir. Pour ma bar mitzvah ce soir. Tous mes amis et ma famille réunis. Et ça se passe ce soir. Ce soir, c'est toi le DJ, ouais, tu vas mixer. On va tout danser. On met ça qu'une fois et c'est ce soir. Arbatax. Radio Panique. World. Voilà. De retour dans les studios de Radio Panique. Quel goût affreux, oh là là. Quel goût affreux, ouais. Mais c'est le dénominateur commun du générique de la semaine. Ah ouais. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai vu dans un programme, c'est Léon, en fait. Mais bon, ça va, je m'adapte. C'est donc Bram au micro. Oui. Bram, tu nous viens du Recyclard. Tu es travailleur au Recyclard. Esclave. Tellement esclave que tu as réussi à t'échapper pendant que tous tes petits collègues travaillent en ce moment. Sous le prétexte du travail. Voilà. Et donc, oui. tu es venu nous présenter la soirée Night Shop Party. Night Shop Party, c'est un concept de soirée qui a débuté quand à peu près? En 2009, hein. Février 2009, on a commencé ça avec le premier concert de... Burak Assam Sistema dans le temps, hein, avec Radio Clet et tout, et depuis on a ouvert un peu vers tout ce qui est global bass et musique ethnique mélangée de l'électro. Donc on a eu baile funk, plein de styles différents, cumbia, digital, etc. Donc ce vendredi, le focus est plutôt sur Tel Aviv, hein, donc la ville la plus ouverte, disons, ou plus animée de l'Israël, orientée vers l'Occident aussi, tous les styles musicaux. Donc il y a trois actes, donc il y a Sabo qui vient. Il est également producteur d'un duo d'MC reggae dancehall qui s'appelle Aksum. Pas du tout connu en Europe. Aksum, A-X-U-M. Ouais. Ouais. Donc, et eux, c'est un duo d'MC, ça va être super, je pense, franchement. L'un d'origine de Yémen et l'autre d'origine Éthiopie. Et ils ont vraiment un message aussi positif dans leur texte, même si c'est en hébreu. C'est bon ton hébreu? J'ai révisé un peu mon hébreu avant de venir et ouais, ça va. Donc voilà, One Love, One World, etc. Donc ils sont produits par Sabo qui vient mixer. Il vient avec ses grands sabots. Avec son grand sabre. Et en même temps, il y a aussi DJ Prince of Persia, ou Prop, qui fait des mashups lui-même de Balkan Beats. Voilà, on a ajouté aussi des autres DJ. Des DJ locaux, donc Subcat qui est à côté de moi, qui est de Brussels Up et Rebel Up. Ouais. Et puis on a invité aussi un collectif d'Amsterdam, Bomb Diggy, qui organise depuis 2009 Amsterdam aussi des soirées tropicales, tropical bass. Ok. Ouais. Donc ils sont en train de produire aussi un peu de la musique même. Oui. Donc on a 5 DJ en tout, quoi. Ça va être grande fête. Beaucoup. Donc 5 DJ pour une soirée qui aura lieu de 23h à 5h du matin, ouais, au Recyclard ce vendredi. Et juste pour en revenir au concept de Night Shop Party, On m'a glissé une petite question avant de venir. Night Shop Party, est-ce que ça serait une référence au magasin de nuit, au paquis qu'on trouve aux quatre coins de Bruxelles? Et comme dans ces paquis, est-ce que dans, ces soirées, on trouve un petit peu de tout? Vous avez bien compris, bien résumé le concept, oui, exactement. Vous n'êtes pas obligé de me vous voyez, cher Bram. Non, non, voilà, Night Shop, c'est le lieu où tout le monde se rencontre, où c'est souvent voilà, tenu par, ouvert par des paquis ou des turcs ou je ne sais pas quoi, des gens des autres pays. Donc, et on trouve voilà, un peu de tout, des samosas, des bières, des bonbons et de la musique chez nous, finalement. Donc, voilà, des bonbons et de la musique, c'est le concept de Night Shop Party. Et on va illustrer ça par un petit morceau. Tu nous as choisi déjà une petite tuerie. Ouais, pour ouvrir, pour montrer un peu l'ambiance de Tel Aviv. Tout le monde connaît Balkan Beatbox, même s'ils sont de New York, il y a des liens encore avec Tel Aviv, ouais. La scène là-bas. Leur guitariste qui joue aussi dans Boom Pam, un trio. Qui était déjà venu au Recyclar il y a quelques mois. Il y a un an. Hein. Ouais, y a un et UBK, donc lui, il produit aussi à côté de la musique électronique. Okay. Et voilà, le premier morceau, c'est un morceau Yemen Brothers par UBK. Les Yemen Brothers. Ouais. Ok. Bah, c'est beau, on écoute ça. Allez. Hop là. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Mais vous alors, qui êtes-vous? Tortoli. La fripouille, votre humble serviteur. Vous me reconnaissez-vous? Non, je ne vous reconnais pas. Tortoli. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu emmerdes. Muscle ton jeu. Tortoli. Muscle ton jeu. Tortoli. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Tunnel de 175. Et voilà, de retour, vous écoutez Radio Panique 105.4 FM. Comment allez-vous, messieurs? Oh, de moins en moins. Hein. Est-ce que vous avez un petit peu plongé dans cette ambiance UBK? UBK, bah, moi oui, et toi? Moi j'ai bien plongé dedans. Seb 4 aussi? Oui. Oui, présent. Plongé. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Il est présent. Il buvait sa bière. Ouais. Donc on va s'enchaîner par un petit deuxième morceau. Ouais, on va présenter Axum. Donc un peu la tête d'affiche en live. Donc c'est deux MC et Sabo va mettre le disque sur scène. Donc ils vont faire. C'est trop difficile. Donc il sera trois en fait. Mais bon, la deuxième MC Axum. Voilà, j'ai ramené un morceau Noah. Et c'est du reggae dancehall, quoi. Du reggae dancehall, touche méditerranéenne, juif, on est brun. Toi, t'es à l'origine un peu de cette programmation Night Shop, notamment de Axum, ou t'y es complètement étranger à ça? Pas complètement étranger, mais oui, un peu, ouais. Peut-être que le programmateur, lui, travaille, n'est pas à la radio aujourd'hui, quoi. On le fait à deux, disons. Très bien. Eh ben on va s'écouter ce petit morceau et puis juste derrière on sera peut-être une expression de la semaine ou un petit mix de Seb 4 ou même offrir des places pour la soirée de vendredi. C'est à vous. Vous avez le choix. Beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités dans cette émission. On est là pour des heures. Wow. Mais bon, c'est Tortoli Arbatax, vous êtes bien, vous êtes posé. Vous êtes sûrement dans les bouchons, mais peu importe, c'est votre problème. Nous on écoute. On écoute. On écoute Axum. Allez, c'est parti. Batman, a Batman, Blighted Rosan, Judah, you're the chosen one. Special dedication, run, everybody run, elimination. Shake your bun, body gather to the nation. Living la vida loca, many money means when I wanna sting, then I'm on a sting, ching, stop. Happy celebration, swiggle and swiggle and clap. Check it, booty down before we take it to the top. Boom, boom. This is the wickedest tune. Jump again, bend over. Give it to your friend and maybe we can do it all over again. Feel the music desire. Every time we bring it, come out loud and clear. Time for bring more fire. Let me see you put your lights up in the air. Feel the music desire. Every time we bring it, come out loud and clear. Let me see you put your lights up in the air. We never could have taken it, Rasta never stop. Jump out the place like them cars road block. Make the crowd bounce, look at the people over the top. Cause every time them come, watch a sexy girl by the ramp. With the axe to move my day, so can't talk. Better run away and never come back. Try your talk back, I'll bat him if he get clap. Man, axe don't get no batter, bump up clatter. First in my rock and I Ethiopian black. Jump up, see the black wall drop. When me rap on the bass, you will be light up, you macho. Just like the full of a class. And in a DM, you know the full of a strapper. Boyaka, boyaka, bad man, licka, shatter. Fire on your blood when they press up, press up. Tell them, you know my dad soon we bring it non-stop. Go! Feel the music desire. Every time we bring it, come out loud and clear. Time for bring more fire. Let me see you put your lights up in the air. Feel the music desire. Every time we bring it, come out loud and clear. Time for bring more fire. Let me see you put your lights up in the air. I am a lyrical alligator. But me spread love, I mean no hater. Incredible of a creator. I'm a never bad performer. Give me the corona. Mix a wicked ragamuffin and me back my persona. Would you get this foot along? Put a fire hot like this owner. Serious na corona. Macho man, no prima donna. Today I proves intelligent sounder. Behold the revival of the underground car. Feel the music desire. Every time you bring it, come out loud and clear. Time for bring more fire. Let me see you put your lights up in the air. Every time you bring it, come out loud and clear. Time for bring more fire. Let me see you put your lights up in the air. Feel the music desire. Every time you bring it, come out loud and clear. Time for bring more fire. Let me see you put your lights up in the air. Alors, ce petit son de boule noire qu'on a entendu derrière? Boule noire, c'est une référence un peu française, hein, les gars. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Croyez toujours que vous êtes en France. Ah, le boule noire. Parce que monsieur Bram, ici présent, n'a pas lancé exactement la bonne chanson. Si, mais je me suis trompé, c'était en anglais. C'est une drôle de... Pas en hébreu. C'est une drôle de façon de dire que vous êtes trompé. Si, mais oui. Donc ouais, la chanson n'était pas du tout en hébreu, quoi. Parce que même moi j'ai compris les paroles. Enfin, après je parle hébreu non, et non, anglais. Non, tu croyais que c'était des hébreux, mais c'était de l'anglais, en fait. Ok, non. Ce qui m'étonne pas, mais bon. Par contre, Seb 4, t'avais bien compris que c'était de l'anglais. Oui. Largement. Ouais. Et l'hébreu, tu maîtrises un petit peu? L'hébreu, tu maîtrises? L'hébreu, non. Seulement, pas de hébreu, mais aussi des mots yiddish. Ouais. Ah, shalom, donc, shalom. Comment c'est? Roser, Mazel Tov, Chaber. Ah, oh là là. Des choses hollandaises, des choses allemandes. Hein, c'est le yiddish un peu, je connais. Tu aurais quelques petites racines yiddish, peut-être? Moi? Oui. Non. Oui, allez. Ah oui, oui. Dis-le. Mais aussi, je ressemble un peu comme un Israélien. Donc, ça c'est le Israélien m'a dit. Tu ressembles aussi un Hollandais, en fait. C'est assez étonnant. Les ouais, auditeurs. Je suis même en blanc, je suis très haut. Non, norvégien. Les auditeurs seraient surpris de voir Seb 4, puisque c'est effectivement un mélange de Hollandais, Norvégien et Israélien. Juif belge. Ah oui, c'est ça. Juif belge et un peu flamand. C'est une sorte de. Une créature assez exceptionnelle. Mais caricature, tu vois. C'est un très bon DJ d'ailleurs. Un très bon DJ que vous aurez l'occasion de voir ce vendredi. Parce qu'il y a eu une énorme erreur, hein, Tortoli. Il y a eu DJ Leblanc sur l'affiche, mais en réalité, oui. Il ne peut pas venir. Il a une maladie grave. Non, c'est une blague. Voilà, il sera remplacé par DJ Seb 4 de Brussels Up et Rebel Up et tous les Up du monde. Hop. Alors il faudrait nous expliquer un petit peu pourquoi cette absence de DJ Leblanc prévue sur l'affiche. Qu'en est-il? Qu'est-ce que bah, en il bref, il a passer, choisi hein. de l'argent, il a trouvé un boulot qui paye mieux ailleurs et voilà, il est parti quoi. Est-ce qu'on aurait des mais qui est-il ce DJ Leblanc? Enfin, à quoi ressemble-t-il? C'est un beau gars. Hein. C'est un beau gars. Ouais. Moi, je crois l'avoir vu quelques fois au Recyclard et c'était un homme devant le bar. Devant ou derrière, mais souvent accoutré d'une façon assez. Sur la barre, là. Dans la vestiaire. C'était un pull harlequin. Un pull harlequin qui le caractérisait le plus. Peut-être, Bram, tu vois de qui je veux parler. Ouais, je vois bien, ouais. Donc, comme un clown, quoi. Comme un clown, voilà. Mais, avec le nez rouge, d'ailleurs, il a le même. Un bon DJ, d'ailleurs. pas si mauvais que ça. Donc, la raison officielle de l'absence de DJ Leblanc. Il a choisi l'argent. D'accord. Donc, toi, Seb 4, tu n'as pas choisi l'argent. Ah non. Non, c'est aussi moi, j'habite à la coin de Recyclard, donc je suis le premier choix parce que Il habite le logiciel. Tu es le meilleur DJ rapport qualité-prix. Ouais, derrière Leblanc, c'est le meilleur DJ de Bruxelles. Donc, derrière Leblanc. Ouais, deuxième choix, mais quand même haute qualité. Je suis dans l'équipe B, là. Tu es dans l'équipe réserve. Ah oui, c'est ça. Wow. On va avoir l'occasion d'entendre ton travail un petit peu dans le courant de cette émission, puisque tu vas nous faire un petit mix. Oui, j'ai fait un petit mix d'environ de 10 minutes avec quelques sélections nouveaux. Et je parle après ou avant que je dois mixer. Tu fais ce que tu veux, mais je pensais que tu étais venu juste pour parler de tes racines norvégiennes, yiddish. Non, a priori, non. Ah, tu es aussi là pour passer du son. Oui. Tu me rassures. Seulement pour ça, ouais. C'est très bien. Eh ben, on va suite à l'énorme erreur de Bram, qui est notre programmateur attitré pour cette émission Tortoli Arbatax de Radio Panique. Ouais. On va pouvoir passer le vrai morceau que tu souhaitais passer. Non, on va changer, hein. Ah, il veut changer. Bah, voilà. Tu mets un numéro 6, je vais. C'est ça, les DJ, on leur donne un petit peu, et ben, ils prennent tout. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais introduire le producteur derrière Axiom qui a fait les beats et tout ça, Sabo, hein, qui est déjà venu en fait à Bruxelles jouer pour une soirée low-up, donc les soirées Low Up de DJ Mello et compagnie. DJ Mello qui sera également présent ce vendredi. Absolument, parce que c'est grâce à Mello aussi un peu qu'on organise tout ça, parce qu'il avait envoyé un mail quand il recevait la demande de faire tourner peut-être à Bruxelles Sabo, DJ Prop et Axum. Il a demandé à nous s'il y avait moyen, et puis voilà, on l'a ajouté aussi au line-up. Donc le travail de programmateur n'est pas si difficile que ça quand c'est quand du vous... teamwork. C'est du voilà. teamwork. C'est la collaboration avec de bons gens de Bruxelles. Hein. Voilà, c'est pas difficile cette faire, organisation. Hein. Bon, la collaboration, on a vu ce que ça a donné oui, dans les années. C'est comme vous maintenant avec la radio, tu fais rien, t'invites des gens. Voilà. Je collabore avec vous, les gars. Voilà. Toi aussi, tu es un collaborateur flamand, toi. Quand t'es là grâce à nous. Voilà, je collabore avec vous. Donc je présente un morceau de Sabo et Ori Shoshat, Shining Chris. C'est aussi un peu dans le même style du bon reggae dancehall qui est typique pour Axum et le morceau juste avant. Ouais. Donc c'est numéro 6, ne te trompe pas. 6, oh bah je l'avais c'est déjà... le numéro après 5. C'est... Ah d'accord. Okay. Ouais. Donc voilà, Shining Chris de Sabo et Ori Shoshat. Tu me dis qu'on le lançait, tu me fais un signe de tête, tu tapes ta tête contre le micro. T'es un talent, quoi. Allez, bonne écoute. Vous écoutez Tortoli Arb Attax, 105.4 Radio Panique. Et c'est 7-4 qui claque des doigts. Concha. In love, In love, Yeah. Tortoli et Arbatax, l'émission idéale pour jouer à la tronçonneuse. Your lady, your lady. Ah, ah, ah, je vous entends déjà rire. Et oui, effectivement. Mais avec quel trou, quel silence. Ouais, il y a tout à l'heure là. La technique, c'est pas ton meilleur côté, disons. C'est plutôt Arbatax. C'est plutôt le physique, mon meilleur côté. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les auditrices comprendront. Toujours est-il que les auditrices comprendront également que cette petite musique que vous entendez derrière, c'est la musique de l'expression de la semaine. Savoie. L'expression de la Savoie. pas tout à fait. Voilà, l'expression de la semaine. Qu'en est-il, Bram? Vous êtes un fidèle auditeur de cette émission Tortoli, ouais. Arbatax, pouvez-vous nous expliquer en 2-3 mots, français ou flamand, comme vous le désirez, le but, la signification de cette chronique, l'expression de la semaine? C'est laquelle? Tu peux simplement expliquer ce qu'il en est de l'expression de la semaine. Mais c'est quoi l'expression de la semaine? Ah, mais c'était simplement pour rappeler le principe de cette chronique. Mais je vais le faire à ta place. Hein. Oui. Tu veux que je le fasse? Oui. Oui, c'est ton émission. Alors, souviens-toi, l'expression de la semaine, c'est deux expressions qui s'affrontent. Arbatax en défend une. Arbatax n'est pas là, mais la semaine dernière, il en avait défendu une, et moi-même, Tortoli, j'en défends une, et voilà, tout ça est soumis au vote du public, le public impartial de cette émission, souvent composé de filles, d'ailleurs. Toujours est-il que la semaine dernière... Mineur également. Toujours est-il que la semaine dernière, c'était une émission spéciale science, avec deux expressions scientifiques qui s'affrontaient. La première, celle d'Arbatax, Oreka, Oreka, j'ai trouvé. Et la seconde, c'est pas sorcier. Les résultats sont assez clairs. 2-1 pour Oreka, Oreka, j'ai trouvé. Donc, Arbatax, tu l'emportes. Voilà. Pas d'applaudissements, rien. Ouais, il viendra chercher son prix la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Toujours est-il que cette semaine, nous repassons à une nouvelle expression. Et vous deux, mes chers invités, Sebkat et Bram, êtes conviés à proposer une expression et à la soumettre au public. Avez-vous réfléchi à cela? Bien sûr. En préparant cette émission. Ok. Moi, oui. Et toi, Sebkat? T'as réfléchi un peu? Pas encore, mais... Okay. Donc moi, je propose, t'as raté ton bar mitzvah. Yeah. Est-ce qu'on a une petite explication ou tu nous la jettes comme ça, juste au nez et... Bah, tu expliques jamais tes expressions de la semaine. Ah si, sinon, c'est mal écouté. Franchement, moi, je comprends jamais ce que tu veux dire avec ces expressions françaises, là. Tu veux régler tes comptes en direct là? Comment ça se passe? Donc tu as raté ta bar mitzvah. Ton bar. Ton barbe. Ton bar mitzvah. Barbe. Ton mitzvah. Bar. Ah d'accord. La bar mitzvah. Très bien. Bah pourquoi pas. Il y a aussi souvent des expressions qui sont gagnantes sans explication comme ça. Enfin c'est une sorte de pile ou face. Donc ça veut dire t'es pas encore adulte en fait. Ah voilà. Voilà. You're not grown up yet. Ça fait un petit peu référence à ce générique qu'on a passé au tout début. J'ai 13 ans, voilà, c'est ma bar mitzvah. Voilà. Ouais. Tu avais donc préparé cette émission? Depuis une semaine. Depuis une semaine, très bien. J'ai une expression en face de la tienne. À moins que Sebkat en ait une nouvelle d'ici là. Mais je te laisse encore 30 secondes de répit. Le temps que je propose mon expression est la suivante. Mabrouk. Mabrouk. Mabrouk. Qui est une expression juive et qui signifie c'est bien. Brouk en flamand, ça veut dire pantalon. Donc Brouk. Ça veut dire en fait mon pantalon. Ah, ben bah ouais, bah là c'est en juif et ça signifie c'est bien. Voilà, Mabrouk. Donc voilà. Mabrouk est pour l'instant opposé à j'ai raté ma bar mitzvah. Et 7-4, tu aurais peut-être une expression à nous fournir. Roulement de tambour peut-être. Pom, pom, pom, pom, pom. Ah, peut-être une chose yiddish ou quoi, de dire de vraiment une chose yiddish Amsterdam dans la langue bargoun ou yiddish ou quoi. Avec des patois d'Amsterdam, avec la communauté juive. Donc, ce il que vient dire, de là, il vient de là, il vient de là. Ils sont beaucoup de choses à dire, mais... Niet elke Joodse gozer is gaïs. Ah, donc, bah, là, je vais faire appel à un traducteur. peux-tu me traduire, peut-être? Oui, c'est traduction, c'est pas chaque mec juif et un con, donc... Ah, ça veut dire chaque juif n'est pas con, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que le mot gozer, ça dit mec en yiddish. Et aussi chayes, ça se dit un con en yiddish aussi. Donc le gozer et le chayes, ça c'est les deux mots qui les gens apprennent ou les gens utilisent à Amsterdam, parce que c'est vraiment le mot juif Amsterdam, ça. Donc... Eh bien, mais c'est vraiment, ouais, c'est néerlandais ou yiddish néerlandais ou quoi. Ah, ça serait un cours de yiddish néerlandais. Est-ce que en dehors de tes activités de DJ, tu donnes également des cours particuliers de yiddish ou de néerlandais ou... Non. Non. Néerlandais, si, tu donnes des cours néerlandais. Ouais, je donne pas de cours, mais je fais de les enfants. De choses, tutor avec une fille bangladeshi, mais... Oui, ça, c'est oui. Chose. Avec une fille du Bangladesh. International, oui. Il est incroyablement international. Ouais. DJ Sepkat, l'homme melting pot. Voilà. Ah, oui. Très bien, donc, je fais un petit résumé. Mabrouk pour moi... J'ai raté ma bar mitzvah pour Bram et Sepkat, là je vais pas réussir à le dire, c'est impossible. Si tu peux juste répéter ton expression. Niet elke Joodse gozer is gaïs. Très bien, bah, t'auras au moins les votes de tous les Flamands et les Néerlandais qui nous écoutent. Je pense qu'ils sont 3. Ah cool. Bah, t'auras déjà 3 points, c'est pas mal. Wow, yes. Ça sera toujours, bonus. Sera toujours plus que Bram, donc c'est pas mal. On va passer à la musique. Ouais, hein. Puisque c'est une spéciale Israël Night Shop Party. Bah, et Bruxelles. Spéciale Bruxelles. Quand l'Israël rencontre Bruxelles Vendredi. Mais ça peut être aussi important de dire, il y a aussi le quartier derrière de Recyclar, à la rue de Nancy. Et ça, c'est aussi le vieux quartier juif de Bruxelles, hein, à la Marolle. C'est vrai. C'est aussi la rue derrière de Recyclar. Sauf qu'il n'y en a plus. Ben oui. Ah. Il y en a plus. Tu sais pas. Oui, mais il n'y en a plus. Oui, on n'y a plus. Mais ouais, ça c'est notre. Ça, disons, notre avant cause, les années 40. Ouais. Avant les... Ça cause d'autres choses, mais. Ouais, ouais non. Bah non, tout à fait, historiquement, c'est correct. Vous n'allez pas vous battre, non, ça non, va. Non, on se complète. Ouais. Très bien. Donc, je veux pour un dernier morceau de ma part, et puis c'est à Sepkat, présenter DJ Mello de Bruxelles. Ouais. Qui fait partie de Low Up, qui a monté un label Low Up, qui a organisé des soirées Low Up, qui a aussi invité Sabo il y a 2 ans à Bruxelles, et qui est en train de produire et faire des chouettes morceaux. Donc je vais présenter son single qui a sorti en décembre, Belgica Esta Picao. Et ça, c'est le numéro 8 de ce CD. Je l'avais deviné. Hein. Ah oui? Je le savais, bah, bien sûr. Ah. Donc voilà, DJ Mello qui va jouer aussi ce vendredi pour clôturer la fête et mettre la flamme à vos jambes. Très bien, on s'écoute ça. Esta Picao. Voilà, Belgica Esta Picao. Belgicao. Okay. Belgica. Belgica Esta Picao. DJ Mello. Up, low up. Tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap t now. C'est Tortoli. C'est Arbatax. C'est Radio Panique. Break it down. De retour dans Tortoli et Arbatax, vous écoutez le 105.4, vous écoutez Radio Panique FM. Panique au village. Panique au village. Toujours est-il qu'on s'est écouté un petit DJ Mello, une production toute fraîche. Esta ouais. Belgicao. Non, Belgica esta picao. Esta picao. Très mignon ton portugais. Tu veux me piéger. Très bien. Et donc DJ Mello qui sera présent à la soirée Night Shop Party du Recyclar ce vendredi. Et lui jouera de 4h à 5h. Donc voilà, les derniers pas de danse se feront sur... Destroy the dance floor. Voilà, sur DJ Mello. Est-ce que après avoir tant et tant parlé de cette fameuse soirée, est-ce que Bram, éminent Bram du Recyclar, oui, auriez-vous un petit ticket ou deux à lâcher à nos auditeurs? C'est pas vrai. Tu sais qu'il faut les compter. Allez, c'est bon. Alors, qu'en est-il? Un seul? Deux? Allez. Deux. deux tickets à offrir donc dans Tortelier Herb Attacks. Vous envoyez Night Shop soit à l'adresse suivante tortelierherbattacks@gmail.com et là vous rentrez gratuitement, soit vous nous laissez un petit mot sur le mur Facebook de Tortelier Herb Attacks en marquant Night Shop également. Quand tu privilégies les couples, tu privilégies les femmes, les enfants, les... comment ça se passe? Enfants, c'est difficile. Hein. C'est pas une musique très adaptée pour les enfants. Non, c'est juste que les enfants peuvent rentrer, mais sous, comment dire ça en français, sous l'accompagnement des parents. Ouais. En compagnie. Tu... Donc, comme toi, quoi. Quand tu es recyclard à la vestiaire. Ah là là là là, très bien. Très bien, très bien. Donc voilà. Deux places à vous offrir. Merci. Une et une. Merci. Je prends une déjà. Apparemment, Monsieur Bram en prend déjà une. Toujours est-il que il y a deux places à gagner. Vous envoyez Night Shop sur le mur de Tortoli Herb Attacks ou à notre Gmail, tortoliherbattacks@gmail.com. Voilà, quelle générosité. Toujours la main sur le cœur, Bram. Oui, merci. Enfin, c'est mon plaisir d'être ici. Voilà, je vous remercie de nous accueillir, de nous avoir accueillis. Écoute, c'est tout à ton honneur. Et hein. Sepp, il est prêt. Hein. Sepp, apparemment, est prêt. Sepp, maintenant, il va attaquer de sa façon. Sepp, tu nous fais signe quand t'es prêt. C'est un mix de Sepp 4. Ouais, il n'entend rien. Il n'entend rien, mais c'est pas grave. C'est le, lui, il est. Il fait signe. Il est pas venu pour parler de ses racines juives. Il est venu pour passer du son. Ouais. Sepp 4, c'est à toi. Et voilà, on se reparle juste derrière Sepp 4 qui fera l'ouverture de cette Night Shop Party ce vendredi. Recyclard. Sepp. DJ Valdo Squash, DJ Aglisson das Produções, é moral vigir-se. Used to do some hookers, play some poker. Me and my best friend, you know what they call them? They call them like this. Major Lazer! Natural Japanese place! Look at Japanese place! Orishoka! Bamba Clan Avenue! where they are from, way back when I need a rookie. Cut every me phone out, velo in touchy. Tavila for shower, my man has overtime me sushi. תקשורת משקרת מחרטטת צ'ולו על הדיסקון קיבן אייג'ל אל תלטת שקט באולפן שם את הפלאפון על רטט במשגר את הטילים מבלפור פינת מלצ'ט רוצח אנשים אני סתם בשביל הכיפה גונב להם את הענק לוקח את הסטיפה אם הכוסית לא רוצה זורם על הגונבה שואל מה המצב אני אגיד לך על הכיפה כיף קיופק לוקאצ'יה שלך אתה בופה אם תפתח הלילה כהן אומרת אתה עופה וזיין את אחותך ואין מבצעת חצופה נמצאו אותה בפח השפיים או שערופה באטמן לייק באטמן או בוסי או לייק רבין אני בבית מנון יש תור של בוסיות בלובי מנדיטי עליי בקטע מפגר של סנובית ביאלי מנדיט מיצ'ו ברינה לייק הזומבי ישראלי דאצל בוסי פידי רן לוקאצ'י זה באטמן קילה דה פיפן נצ'י נצ'ה גיינסטה שוט יאווי בסגן לדופקים עוד לפעים שעור באולפן אמרתי ישראלי דאצל בוסי פידי רן לוקאצ'י זה באטמן קילה דה פיפן נצ'י נצ'ה גיינסטה שוט יאווי בסגן לדופקים עוד לפעים שעור באולפן אמרתי קוראים לי נצ'י נצ'ה אבל כולם קוראים לי איצ'יבן ביבי נתניהו ביבי קינג יורק כמו ביבי גן לא רואה ביבי סי פוסי רוג'ה בטרן לי וולה תל אביב הרדי נוסה מי הבטרן זה הקטע קל עוין כמו איראן פוסי רול פותח ברן פורסט רן נופה דם עתקה מיסטר וואם טו דם בלוד קלאט מייצ'ה לייזר ישראלי לי כמו לי שוחד ישראלי דאצל פוסי פידי רן לוקאצ'י זה באטמן קילה דה פיפן נצ'י נצ'ה גיינסטה שוט יא ווי ביסגן ודופקים עוד לפעים שם אמר באולפן אמרתי ישראלי דאצל פוסי פידי רן לוקאצ'י זה באטמן קילה דה פיפן נצ'י נצ'ה גיינסטה שוט יא ווי ביסגן ודופקים עוד לפעים שם אמר באולפן אמרתי נא For all the anti-Semic pussy all under the world Foco is why the bad man Tel Aviv עיר שיש בה כל תל אביב ים כחול ושמש מסביב מטייל ברחובות מרגיש מגניב אחי תקשיב תל אביב עיר שיש בה כל תל אביב ים כחול ושמש מסביב מטייל ברחובות מרגיש מגניב אחי תקשיב כל הרעש בלגנים מסביב זו העיר תל אביב מילד לטופ סלבריטי מקפיץ בשכונת מגבי מרכז מחושקז זוכר את השכונה לפני 15 שנה איך התחלנו לחפש לתית בחרתי במייק ובא מקפיץ את המועדון הסווטו בפרישמן פינת הילדון קולוסיאום הנזיתי והקונטק לממן מן התחילו שם טאק בומבק זו לא עולה ביבי אורגינל 32 שנה תל אביב היא אמן כמעט פה עומר פה תפעת הוא אמן כמעט פה נעטו דם דם הוא בא דם דם הוא בא דם דם קח לא לתת לי דוח, את הסחורה פורק צ'יקי צ'ק, יוצק במילים כמו בצק תל אביבים במונית הכסף המונה דופק חותם לילדות קנות מצהלה על צ'ק 1-2-1-2, יא בדה בדו תתפקדו, מפלורנטינה תנבטו בילי, היות תלה, תלה, תלה ביבי זה לא להתעסק עם ביבי ביבי טיבי לבני זה לשרוף יום שלם, כשאין לך תוכנית זה רוקן בקבוק של ערב על הגג של המכונית הלילה שלי לבן, הלבן בעין אדום אז למה לחכות למחר שאפשר לפרק את השיט היום? נהדרים זה פריט, מי אמן כמעט פה עומר פה תפעת, הוא אמן כמעט פה נעטו דם דם הוא בא, דם דם הוא בא, דם דם Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey Dansant dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène Tortoli et Herbata. Nos yeux se sont rencontrés seulement un instant, mais depuis, je suis tout feu, tout flamme. C'est la fin de cette émission Tortoli et Herbatax sur Radio Panique 105.4. Quelques petits problèmes techniques, mais vous n'y avez vu que du feu. Vous n'y avez vu que du feu. Toujours est-il qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura le retour d'Herbatax. Merci Bram pour cette magnifique intervention durant une heure de Tortoli et Herbatax. Step 4, merci à toi pour les explications de tes origines Jewish et également pour ton mix de fin de session. On se quitte avec un petit son que tu vas nous balancer et on laisse la place à G-Boutique. G-Boutique toujours à l'heure. 18h05, ils vont commencer. Y'a pas de soucis. Allez! Bonne semaine à tous. Rendez-vous mardi prochain, Tortoli Herbatax 105.4. Si vous voulez gagner des places, vous envoyez Night Shop pour la soirée Recyclard Art Center. Ciao!